avec une belle fille dans mes mains. Ou pas besoin de perdre ton bois, puis chérie, je vous aime, oui. Pour ne pas déjà parler pour vous, ou déjà tout là. Mario, par exemple, Marial dans le travail, elle tourne, elle a montré dans la caille pour l'embrasser. Quand tu bouches, tu mets en bouche pour la prendre, tu l'as caou. Qui fait qu'elle souffle pour bagage. Tu mets ça en pile, en pile, en pile. Bon, l'autre série femme même. Bon, l'autre série femme même. Yo remet par exemple, les Mario sont dans le travail. Pour Marial rentrer dans la caille, un juif errant, rentrer à le manger, elle finit de virer, tout le monde ne pas dire, l'eau, voile pas dire, qui fait qu'à mourir pour bagaille ça. Bon, l'autre série filmé même, si on fait une journée avec Mario, pour Mario pas foutre un calotte, tu pas prêter avec les gars. Bon, l'autre série même, ça le remet. Il remet par exemple, pour Mario lever grand matin, pour le battre. Pour le battre dans le goût Jésus. Et puis, pour Mario aller au travail, il met pour le marron compré sous tes pieds. Il met des pyjamas dans la souris. Il met des vieux souliers dans la pied. Alors pour ne pas être comme la galerie, mon voisin n'a pas dit voisin, sorgue là. Et puis son plaisir pour lui pour répondre, pour le dire. Papa mon chien sorti pour enfrager les loin. Bon. L'autre jour, enfin pas pour l'autre jour, quand on monte à temps de mieux, toute fille qui a temps de mieux. Toute fille qui a temps de mieux. Mon défi m'a lancé là. L'aime fin baille question. C'est pour nous ne pas répondre, non, c'est pas ça. M'a pas nous $200. Si nous disons, c'est pas vrai, m'a nous $200. Quand tout fille qui a coûté là, pas qu'on fille là qui pour dire moi, il va qu'on joue yo-yo. Ah, mes questions. Nous pas ça dit pour pas qu'on joue yo-yo. Parce que yo a son petit jouet. Petit jouet qui douce. Ou prend ficelle là, ou marrer là, yo, ça t'en dit. Oui, allez monter, descend. Pour monter, filer, descend. On l'autre paume à gauche, à droite, ou remontant là encore. En l'air, en bas. Oh, non, rete, rete. Allons pas qu'on est si yo, yo, en sac passé. Jouer la vie, toi douce. Ficelle la cassé. Sortant de là. Mon m'zèle pas qu'il y a l'autre bagay pour dire. Oui. Revois. Revois, rete, rete, rete, rete, rete. Par aller, pas pousser. C'est moi qui dis ma neuf, ma pfe. Oui. Allez, montez, vissez le sang. Allez, montez, vissez le sang. Allez, montez, vissez le sang. Allez, montez, vissez le sang. Allez, montez, vissez le sang. Allez, montez, vissez le sang. Allez, montez, vissez le sang. Continent.